Société Générale, une auto démarra, et dans la terreur, la bande à Bono mit les voiles, en portant la sacoche du garçon payeur, dans la deux Dion Mouton qui cachait les voleurs. Octave comptait les gros billets et les valeurs, avec Raymond la science, les bandits en auto, c'était la bande à Bono. Les banques criaient misérables, quand s'éloignait le bruit du puissant moteur. Comment rattraper les coupables qui fuyaient à toute allure, à 35 à l'heure, sur les routes de France, hirondelles et gendarmes étaient à leur trou, c'était nuit et jour en alarme. En casquette à visière, les bandits en auto, c'était la bande à Bono. Mais Bono rêvait des palaces et du ciel d'azur de Monte Carlo. En fait, il voulait vite se ranger des voitures. Mais un bon matin, la police encercla la maison de Jules Bono. A choisi avec ses complices, il prenait dans sa chambre un peu de repos. Tout Paris arriva à pied, en tramway, en train, avec des fusils, des pistolets et des gourdins, hurlant des balcons, les bandits en auto, c'était la bande à Bono. Et monotomain, tragique destin. Alors pour la dernière course, on mit dans le fourgon la bande à Bono. Thank you.